Le panneau indique l'entrée d'une route à accès réglementé, ce qui veut dire que certaines catégories de véhicules et d'usagers y sont interdits. Parmi ceux qui n'ont pas le droit d'emprunter cette route, on trouve les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et les engins agricoles. En revanche, les poids lourds et les motos peuvent l'emprunter. Réponse B et C.